Un classique parmi les classiques ce soir, Morgoth évidemment. Tout le monde a reconnu l'album Odium, sorti il y a très longtemps. Ah ouais, super longtemps. Ouais, on se rappelle plus de la date, mais bon, les années 90 quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, un des meilleurs albums sortis de Morgoth, hein, avec le précédent, qui s'appelait Cursed, si je me rappelle bien. Ils sont toujours là avec un nouveau chanteur, ils tournent encore pour les festivals, pour les tournées estivales. On revient donc au Guns, c'est vous, non? C'est toujours vous? Vous n'avez pas changé de nom? Toujours nous. Bon, en tout cas, les auditeurs auditrices se régalent. Hein, ils se régalent vraiment avec l'acoustique est super bien passée. Et puis, on entend encore un petit extrait du nouvel album. Donc, si ça vous intéresse, hein, toujours de parler de vos albums. Bien sûr, on est là pour là. Pour ça, pardon. On est là pour ça ou là. Mais on est là en tout cas. On est là pour ça. Allez, un morceau au hasard. Qu'est-ce que vous voulez passer maintenant de l'album? Alors quel morceau? Ils connaissent pas l'album alors. The Road, non? Enfin, The Road. Parce que Castle on the Roof, on la connaît, par contre vous la jouez depuis longtemps maintenant, hein, sur scène, ouais, il y a eu un single. Et vous l'avez pas joué, vous l'avez pas sorti physiquement Castle on the Roof, c'est ça. Et la pochette était sympa aussi. Oui. Claude Pelé. Oui, toujours, ouais, le même. Et puis maintenant on joue quoi alors? The Road. The Road. The Road, on écoute ça. On reste avec les Guts. Un petit blues. Act. Allez, c'est parti. Fly FM, Fly FM. FM. Rock and roll. Fly FM. Non, c'est Fly FM. Oui, c'est Fly. Ah bah FM. Oui, ça j'allais ouais, le dire. C'est Fly FM. C'est toujours Fly FM. FlyFM.fr sur internet, évidemment. Les commentaires, vous pouvez poser encore vos questions sur la page Facebook MyWar Fly FM jusqu'à 23h. Il y aura encore lors de cette deuxième heure d'émission un petit morceau acoustique. Hein oui, en direct, je ne m'abuse. Ce sera dans quelques dizaines de minutes, on va faire patienter, faire monter le suspense, hein, un deuxième morceau. On vient d'écouter The Road, c'est un hommage à On The Road Again, c'est quoi? C'est qui? C'est pourquoi? C'est alors, pas du tout, non. Pas du tout, bah oui, j'ai pas doute, je pose des questions de merde. Ce morceau, il a été écrit pour me soigner, en fait. Ah, t'as fait un peu de route? Non, au départ c'est une sortie de route et j'ai essayé de me remettre sur la route en écrivant ce texte ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire ce texte et ça m'a remis un peu sur le droit chemin quoi, voilà. D'accord. Ça t'a remis le pied à l'étrier. Voilà. Cherchez l'expression. Et ben c'est très bien. C'est en fait t'as eu un coup de mou. Un petit accident de parcours. Ouais, je vais pour monter à cheval, il faut pas lâcher la bride. Voilà, j'ai pris la plume et j'ai écrit et ça a donné The Road, quoi, hein, tout simplement. Très bien. Et puis le groupe a suivi. Hein, le groupe s'est exprimé musicalement derrière et c'est fabuleux. Bon, merci mes potos. Bon, encore une bière. Ouais, on va y arriver. Je bois pas de bière, c'est pas vrai. Je bois du tropical. C'est du thé. Du thé, voilà. Et d'ailleurs, Fred nous disait hors antenne que le solo, tu peux nous redire ce que tu as dit. Le solo de ce morceau. Non, c'est une vanne, mais parce que le solo, voilà, il est du fait qu'il soit rapide et qu'il y a beaucoup de notes, donc c'était mathématiquement, ce solo contient autant de notes que tous les autres morceaux réunis, tous les solos de tous les autres morceaux réunis. Il faut le marquer sur l'album. Voilà, vous avez 2 heures pour répondre. Ce qui est totalement faux. Oui. Mais c'est peut-être, j'ai pas compté. C'est comme un album d'Annihilator, il y a 666 solos sur un album, je sais plus lequel. C'est un moyen de vendre l'album en plus. Enfin, je sais pas, pour les gens qui sont un peu geek, acheter des solos d'albums où il y a plein de solos, voilà, c'est une façon de vendre le truc. Il n'y a pas marqué vu à la télé sur votre CD. Je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui vont essayer de compter les solos. Oui, du coup ça. D'ailleurs, laissez-nous le nombre de notes. C'est ça. Enfin, Fred a posé une énigme, à vous de répondre. Ah, vous faites, il y a un CD à gagner ce soir, hein, je crois. On fait gagner le CD maintenant. Pas n'importe lequel, en l'occurrence, qu'on peut dire le dernier. Que Scrappers. Ouais, c'est ça. C'est eux, hein. Ouais. Ça, c'est super beau. C'est un digipack. Alors, on va poser une question. Alors, qui sont les deux guitaristes qui font un featuring sur le premier album? Ah, voilà. Oula, faut être fan alors. Ah. Faut connaître déjà le groupe depuis longtemps. Non, t'auras le disque si t'es fan. Au moins un des deux. Allez, au moins un des deux. Fred. Au moins un des deux. Allez. La question, vous répondez sur MyWarFlyFM en message perso ou sur la page, hein, sur le dernier message que j'ai posté. On attend vos réponses. Et pour l'heure, je sais que vous aimez bien les Black Star Raiders, Scott Gorham. Tous les bons guitaristes de l'époque, les années 70. Hein, ouais, ouais. Ah oui, Ricky Warwick, qui jouait à l'époque dans The Almighty. Yes. Il y a très longtemps. Yes. C'est un Irlandais aussi, lui, non? C'est un Irlandais. Hein. Je ne sais plus. On va regarder. Alors, ça. On va vérifier. Je suis pas vraiment sûr en même temps. Ouais. Parce que je me disais, c'est pour ça qu'ils ont formé un groupe ensemble. Je crois que c'est vraiment un Anglais. Mais je crois qu'ils aiment le scotch, en tout cas, ils ont un point commun. Je sais qu'ils ont un point commun, je ne sais plus lequel. Oui, ils aiment bien ça, ouais. De l'autre côté de la manche. Oui. Allez, on va se retourner les manches maintenant. On écoute. Le dernier album de Black Star Raiders avec le morceau Testify or Say Goodbye. A tout de suite. tell all the opposition you can't keep a good man down. Everyone's got their own solutions to their private revolutions. Don't let them run you out of town. No time to hesitate, don't make the same mistake. Stop dragging yourself around. Don't you know that when you go, you can't take it with you, cause there ain't no pockets in a shroud. So let this great world spin around, around, around, around. We gotta testify or say goodbye. Tell me no secrets, tell me no lies. Get up on the stand, look me straight in the eye. You gotta testify or say goodbye. You gotta testify or say goodbye. Tell me no secrets, tell me no lies. Get up on the stand, look me straight in the eye. You gotta testify or say goodbye. Sur Fly FM en direct ce soir avec le groupe Ghost Scrappers. Petite remarque de Meryl Reina qui nous écoute sur flyfm.fr. Ouais, on kiffe, mais évidemment, bien sûr, toujours à l'écoute. Et avec le groupe Ghost Scrappers, on écoutait la chanson Testify or Say Goodbye des Black Star Raiders. Et on va écouter un autre titre maintenant. Yeah. Ah, oui. Il y a des fans de Black Star Raiders aussi. Hein. T'as vu, ah, hein. Oui, oui. C'est, la même, c'est les mêmes racines. Hein. C'est les mêmes racines. Alors, on se disait en antenne, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des clips. À moins que vous vouliez revenir sur cette chanson. Non, on va parler de la chanson qui passe par après, hein, de votre nouvel album. Mais le clip, alors, il y a deux clips. Il y a deux clips. J'y arrive. Hein, je suis un peu perdu. Les teasers. Ouais, les teasers, voilà, comme dit Jean-Louis. Merci d'être là, Jean-Louis. Je traduis parce qu'il parle avec les mains, Fred, on a du mal à comprendre. Alors, la radio, c'est difficile. La réalisation de ces clips, ça s'est passé comment? Il y a deux clips? Oui, deux clips, exactement. Alors, donc, il y en a un qui est sorti en janvier, pour commencer l'année, puisqu'on était dans les périodes de finalisation du mastering. Et donc, on venait de finir le mastering, et donc, le titre, l'audio était prêt. Oui. On a fait le clip pour faire entendre un petit peu le son qui va devenir, voilà, l'album, exactement pour annoncer l'album. Donc là c'est Geoffrey Lévesque et a assisté avec QPC Productions qui ont réalisé le clip. Donc il y a des drones, il y a des trucs, faut aller voir sur internet, hein, sur la chaîne du groupe. Sur la chaîne YouTube, ouais, exactement. Oui. Et donc ça c'était pour laisser entendre le son du nouvel album. Et là, ben, avec la sortie de l'album vendredi dernier, c'est accompagné d'un clip, un autre extrait de l'album qui s'appelle Ride, mm-hmm. Qui là a été fait par QPC Productions avec des images de Geoffrey Lévesque, et qui est un clip un peu dans l'esprit comics, dans l'esprit de l'album, une espèce de BD et tout ça, sur une chanson avec un refrain qui, on l'espère, vous trouverez entraînant. Et on pourra chanter sur scène. Oui, carrément. Quoi. Enfin, nous, on sera dans le public. Mais voilà, et pareil, vous pouvez la trouver sur YouTube aussi. Quoi. Très bien, très bien. Très bien, mais ça annonçait bien d'ailleurs l'album. Hein, puisque... C'était un petit amuse-bouche, nous a-t-il dit. Amuse-gueule. Amuse-gueule. Dis donc, Jean-Louis, est-ce que tu les as vus, l'équipe? Oui. Alors, Oui, j'aime bien celui avec les comics là. D'accord. Oui, je l'ai vu, bien sûr, je l'ai vu. Cinq fois le moins. Ouais. C'est différent. C'est différent parce qu'en fait, oui, c'est voilà, c'est la particularité de plus classique. La particularité de Thankful, c'est qu'on a enregistré le morceau, donc on est filmé à 12 ou 14 points au-dessus du tempo réellement. Ah, bon ah oui, et que c'est ralenti. Exactement. Que l'image est ralentie. C'est accéléré ou c'est ralenti? Oui, c'est ralenti, justement. Voilà, exactement. Le slow motion, c'est bizarre. C'est une sorte de slow motion. Et qu'en plus, c'est chaud. Et qu'en plus, on est en tenue de scène et qui fait moins 3 degrés. C'est juste... Vous avez tourné ça où? Dans une grange? C'était où? Dans une serre. Dans une serre abandonnée. Serre Chevalier, je crois, non? Une serre, normalement. Mais t'as vu les skis derrière, quoi? Oui, j'ai vu. Oh, la tartiflette aussi, j'ai vu. La tartiflette et l'ardon. Et le vin blanc. Non, je voulais revenir sur le son. En fait, quand vous tourniez le film, le clip, vous aviez le son ralenti dans les... En accéléré. Vous deviez jouer en accéléré, vous allez juste plus vite. Exactement. Du coup, il faisait moins de 3, mais on n'avait pas froid sur le coup. Moi, ça réchauffe. Pas mal du tout, ouais. Eh ben, maintenant, on connaît tous les secrets des clips, comment c'est réalisé. Ben oui, c'est bien, il y en aura d'autres, non? Oui, pour l'instant, très certainement. Il faut du live, d'ailleurs, je dis à Thierry. Thierry qui m'a gentiment filé un titre live qui était enregistré il y a quelques années, parce que ça manquait un petit peu dans la... Vous ne l'avez pas sorti officiellement, mais il y a un titre enregistré, je crois, à Marseille, il y a quelques années. Je sais plus, tu m'as envoyé ça, le son était vraiment impeccable. Pensez à enregistrer les lives, parce que c'est vachement bien. Merci Manu, surtout à Nîmes, avec le public qu'il y a. Je sais pas si on peut récupérer des bandes là-bas, on va se renseigner quoi. Je sais pas, je sais que... C'est confortable, ça va être pourri. Hein. Non, mais je sais que il va y avoir une équipe avec... Il y a trois caméramans, il y a plusieurs caméras, c'est autorisé par la prod et donc il y aura des images. D'accord, donc il faudra être là devant la caméra. On parle du même endroit. Bouger les bras, on va se faire remarquer. Hein. Ouais, j'espère. Ah, oui, bien sûr. On y sera, nous. Faites comme moi sur le live de Metallica. Alors faudrait que je le remate. Faudrait que je le regarde aussi. À quel morceau tout à la fin, on rappelle, il y a la caméra qui survole et je l'avais maté en train de survoler, j'ai fait comme ça. Pour le retour, pour le. Voilà, ce soir tout le monde va regarder le live de Metallica en rappel. Une nuit anime. Pour Fred. Oui, très bien. Tiens, je savais pas. C'est mon carrière des gars, putain, mais qui joue sur ce groupe? Je savais pas. Regarde plus le groupe après. Hein. Quand un élève me l'a dit, bon, j'ai pas prêté cas. Quand il y a eu deux élèves qui me l'ont dit, je dis, bon, ça doit être vrai. Au troisième élève qui te le dit, tu dis, bon, on doit bien te voir. Donc je suis allé vérifier, effectivement. C'est vrai. Il y a une belle grimace. D'accord. Et voilà, depuis, Metallica lui paye des droits d'image. Des droits de grimace, je veux dire. Penses-tu? Allez, on revient au gosse et en musique. Parce qu'il y a un autre morceau. Let the Light, c'est le morceau que vous voulez passer. Oui. Vous allez jouer en concert celui-là. Oui. Alors, ça parle de quoi? Ça fait la question qui dérange. Écoute, tout le monde. Bon, bah, on va l'écouter, on va essayer d'analyser. On en reparle après, j'irai voir mon psy aussi. Juste à l'occasion. Avec un chat, va le voir avec un chat. Oui, j'irai voir avec un chat, comme ça, on va miauler ensemble. Voilà, on va se gratouiller un petit peu. Let the Light, c'est peut-être un hommage à ACDC. Let there be light, non? Let there be rock, non? Let the Light. Let the Light Shining, non, c'est pas ACDC. Nous aurons la réponse tout à l'heure. Let the light bathing through your soul, your body. Oh yeah, and light. Oh. toujours en direct. Let the light shining, non? Et c'est pas dans les paroles, ça, hein? Non. Non. Mais c'était vous, les Ghost Crappers. C'était nous, les Ghost Crappers. Toujours et encore, avec le nouvel album, on le rappelle, le nom, c'est... Getting Through. Getting Through. Qui veut dire? Qui veut dire passe à travers. Allez, on passe tous au travers ce soir, dans l'émission Parasite. C'est la dernière de la saison, hein, je vous le dis, hein. On reviendra après le Hellfest, après tout ce qui a passé cet été. Yeah! On s'y verra peut-être là-bas aussi, on va se croiser, on se boira une bière ensemble. Et nous, on reviendra, hein, Turbo Jean-Louis, septembre. À la mi-septembre. Ouais. Ouais, mi-septembre, à la rentrée des classes. Voilà. On fait pareil. Nous, on fait pareil. C'est classe. On prend moi de vacances. Hein. Et voilà. On va craquer tout dessous, hein, pour ce Hellfest. Bon. Mmh. C'est pas grave, c'est fait pour ça aussi. Hein. Bah, le plus cher, c'est l'eau. C'est cher là-bas. C'est cher, hein, surtout qu'on n'en boit pas. Hein. C'est pour ça que c'est cher. Non, on n'en boit plus, c'est trop cher. D'où l'idée de venir avec le jerrycan. Voilà, un jerrycan de Cronenbourg. Voilà, c'est ça. Tu te laves à la croix. Et tu prends les... Bon. Les lingettes à la croix aussi, enfin tu prends tout quoi. Tu fais comme ça Thierry? Oui, moi je suis spécialiste de la croix. Moi. D'accord, et des lingettes. Des lingettes j'allais dire. Ouais, les lingettes à la croix. Oui, tu fais trop chaud. Qu'est-ce qui te branche, la croix branche? Pour ce celui-là, la croix entre couche de... Pas mal. Attention. Voilà. C'est marrant parce qu'il boit que du jus de pomme, mais... Non, je vais pas la sortir en fait. Là. Fred, tu m'as battu, c'est bien, super. C'est bien que la croix batte. La croix, t'es bon. De baseball, oui. Bon. C'est bon le jus de pomme. Un petit jeu de mots. On nous roule. William, il cherche, il n'arrive pas à trouver, mais il cherche. Baseball, on nous roule. Allez, dans 3 minutes, vous allez nous jouer un deuxième morceau acoustique. Oui. Et puisqu'on parle d'acoustique, tiens, c'est une petite surprise pour Thierry, mais je pense que vous aimez aussi le groupe Pantera. Oh, oui. Mon Dieu. Alors c'est une réédition de The Great Southern Trekking qui fête ses 20 ans de sortie. L'album est sorti il y a plus de poil 20 ans. Déjà. Sorti en 2016, hein, 1996. Donc du coup, on réécoute ce morceau que j'adore particulièrement, un morceau en acoustique à l'époque. Merci mon Manu. De rien mon Thierry. Can you tell I'm a man? With the scars on my wrist. With the scars on my wrist. s'envole carrément évidemment avec les vieux albums de Pantera. Vieux, pourquoi vieux? Pourquoi je dis ça? Vieux, c'est tout jeune ça. Ça a à peine 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Bah oui. Ouais. Et puis, petit message. La Creuse suit les Guts sur Fly FM en attendant de les voir en juillet sur scène. C'est Mandy Mercier qui nous envoie un petit message sur bonjour la page Mandy. Mandy. Bonsoir Mandy. On vous kiffe la terre du milieu. Terre du milieu. Carrément, ouais. Allez, un deuxième morceau acoustique, il est 22h31, si c'est vendredi, il est 23h31. Alors du coup, ben, faites comme vous voulez. Non, il y a la réédition, la rediffusion de l'émission Parasite vendredi prochain. Yeah. Uniquement sur Internet. Je précise que l'antenne va être coupée ce soir en fait, parce que c'est la dernière de Play FM en direct sur la bande FM. Alors vous y allez les gars, c'est quel morceau déjà ? Cats on the roof. Cats on the roof, toi c'est le chat. Hein, ça parle de chat, c'est pour ça qu'on y revient. Le chat sur le toit. Voilà. Alors écoute. Allez. Self-keeping everything. You may still live as you please. Come back to bed, oh yeah, you can live things. Trick or treat, perfectly fits you. Always get what you want. Catch on roof is better. Cats on the roof. It's better. Catch on roof. Oh, cause you up there, go you down. Catch on roof is better. Cats on the roof. It's better. Catch on roof. Oh, cause you up there, go you down. A kind of wisdom is obvious in you. Always on you. You know where you belong. Guide drone or curl, guided by you instead. The same will serve you every time you fall. You may sleep on fighting overnight. Up to your back, you lie, you nothing thing. Trick or treat, perfectly fits you. Found the way to ways. Catch on roof is better. Catch on roof is better. Catch on roof. Who cares? You up there, go you down. Catch on the roof is better. Catch on the roof is better. Catch on roof. Who cares? You up there, go you down. Catch on the roof is better. Catch on the roof is better. Catch on the roof. Who cares? You up there, go you down. Catch on roof is better. Catch on roof is better. Catch on the roof. Who cares? You up there? Go you there? Catch on the roof. What you want? Catch on roof is better. Catch on roof is sweeter. Catch on roof. Who cares? You up there? Go you down? Catch on roof is better. Catch on roof is sweeter. Catch on roof. Who cares? You up there? go you down. Catch on the roof is better. Catch on the roof is sweeter. Catch on the roof. Who cares you out there? Go you down. Catch on the roof is better. Catch on the roof is sweeter. Catch on the roof. Who cares you out there? Go you down. Oh yeah. Oh. Bravo. Merci. Merci à vous surtout de jouer en direct pour l'émission Parasite sur Play FM. With pleasure. Miaou, je fais mal le chat, mais miaou quand même. Bien, c'est vrai. Ah ben, moi à la maison j'ai des chats, ils sont tous derrière les. Ils font comme toi ? Ah non, ils écoutent, ils font ils sont malades alors. Ils écoutent les gars. Ah oui, non, c'est vrai. Surtout quand il y a 400 de ouf, il y a tous les chats là. Oh ah oui, tous les chats de la rue écoutent. Il y a beaucoup de chats dans la rue, hein, rue de l'hôpital là à Monteux. T'inquiète pas, il y a pas mal de chats. Ah. Play FM à Entrex sur 89.9. Merci mon petit. C'est l'émission Parasite qui va bientôt finir. Oh non. Ah bah si, hein, y a toute bonne chose à une fin. Il nous reste ouais peut-être un peu plus de 20 minutes. Peut-être que vous pourrez jeter encore un autre morceau, je sais pas, ou je sais pas, ouais, je demande, je pose la question hein, simplement. Hein. C'est pas une obligation, hein. C'est vivement conseillé. La prochaine fois, on vous en fera plusieurs. Ah. Et on viendra tous. Et on viendra tous en plus. Même ceux de la Terre du Milieu. Oui. Ah, alors avec on attend. Le batteur, parce que. Alors, il est précieux le batteur pour moi. Et oui, c'est le seul qui est pas venu en fait. Hein. Et c'est vrai que c'est vrai. Rythmique derrière, djembé ou je sais pas quoi. Si, il faut un petit carom. Ah non, deux djembé, on les a tous brûlés. Non, un petit carom, c'est. D'accord, on verra ça. Alors, rentrez, de toute façon, on est ouvert. Pierre viendra pour le troisième album. Puisque voilà, à chaque album. Non, on viendra avant. Promis. Quand vous voulez. Alors le bruit que vous entendez. Il regarde avec les yeux là. Il n'y a pas de problème. On enchaîne en musique maintenant. Tiens, allez, blind test. Vous allez reconnaître sûrement. Un morceau sorti à l'origine dans les années 70. Hein. Enfin, les années 70. Pas mal. Un riff que tout le monde connaît. Yeah. Wow. À l'époque. Bédarit sur 89.9. C'est les bonnes rythmiques, tout ça, c'est la bonne musique, hein, toujours hein, sur Fly FM, une émission Parasite, hein, toujours. Pour la dernière émission de Parasite, on fait un peu de promo aussi pour ce groupe qui a bien marqué l'année 2016. Moi, je vous avais vu un peu la partie de l'Exodus à Fréjus, à tes souhaits. À tes souhaits, Fred. C'est leur deuxième album, Monster Man, sorti en 2015, excusez-moi. Donc, non, je confonds avec Fly, Heart Attack, c'est leur dernier album, sorti The Resilience en 2017, c'est leur nouvel album. Stop Pretending, c'était en 2013. Bah, ils font bien les choses et il y a une bonne production, des bonnes tempos. Toujours très bien, ça arrache bien la tête. Voilà, c'était en première partie de Exodus il y a un an, pratiquement. Avec, ouais, bon, Exodus et puis un autre groupe, je sais plus comment il s'appelait. C'était pas mal aussi. Ça dépote bien. Ouais, c'était au Rats. Hein, si Thierry, si Christophe par contre, tu écoutes encore, Christophe, voilà, tu nous écoutes encore, voilà, les petits messages. Oui, voilà, et il a bien aimé aussi la reprise de Van Halen auparavant. Dance the Night Away, c'était Jolene Turner, l'ancien chanteur de Rainbow, avec Red Beach à la guitare, qui a joué avec Winger, avec Dokken, avec plein de gens. Très très bon guitariste. Et excellent guitariste. Et qui a un modèle libanaise. Qui a un modèle libanais. C'est voilà. Vrai que toi, l'autre fois, j'ai loupé, j'ai zappé le rendez-vous, Patrick Ronda, j'ai pas pu venir. Mm-hmm. Et ça s'est bien passé, c'était sauf Stanley. C'était très bien. Ouais. Il a fait des clics, il a fait. Il a fait quoi des démonstrations. Des claquettes. Non. Genre des clics, c'est pour les batteurs, je crois. Mais des démonstrations de guitare. Oui, bah. C'était surtout, c'était aussi, comme c'était une masterclass, c'était axé aussi sur la compréhension de la musique, comment c'est fait, comment ça fonctionne, comment on peut. Il a beaucoup insisté sur l'expressivité. Oui. C'était très bien. Yannick Robert aussi. L'expressivité au niveau guitare. Hein. Exactement. Ouais. C'est-à-dire transmettre, comme il disait, chaque note que tu joues, il faut que tu joues ta vie, quoi. C'est clair, en quelque sorte. C'est exactement ce que je pense quand j'écoute du Slayer. Ils vivent et ils jouent leur vie, quoi, les gars. Quoi. Il y a beaucoup de poker. Groupes, il y a beaucoup de groupes. C'est vrai, et c'est pour ça que ça marche, d'ailleurs. Mmh. Mais c'est voilà, l'authenticité à donner au nouveau groupe. Hein. Exactement, l'authenticité et chercher à être soi-même. Mmh. C'est bien de repiquer des plans des autres et tout ça. C'est très bien, mais ton style, c'est l'amalgame de tout ça. Et en vérité, plus tu cherches ton style, moins tu le trouves. Mais par contre, plus tu es toi-même, plus ton style, il est là, quoi. En quelque sorte, c'est ce que... Oui. JCVD, sors de ce corps. Jean-Claude Van Damme. Je rapporte les Patrick. Je rapporte les propos de Patrick, c'est-à-dire que... Ah, c'est lui qui l'a dit, d'accord. Il a peut-être pas dit sous ses... je faisais la traduction JCVD. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Tu recraches ce que tu dis, ce que tu as ingéré. Tout ce que tu as écouté, que tu as ingéré, que tu as digéré. Exactement. Ressort dans tes compositions expressivement. Alors tu vois, c'est clair. Oui, je crois que j'ai compris. C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, moi je pensais, quand tu joues ta vie sur scène, c'est ce que je pense aussi au niveau des gosses, parce que moi je sens que quand vous jouez sur scène, bah, vous jouez, c'est un coup de poker, quoi. C'est fou, faut y aller à fond, et voilà, quoi. Enfin, non, je compare pas au poker, parce que c'est du mensonge, le poker. C'est ça, vous y allez à fond sur scène, authentique, ça se voit, quoi. Mais c'est coup de sueur. L'authenticité, ouais. L'authenticité, c'est exactement ça, quoi. Et le plaisir d'y être. Carrément, ouais. Exactement. Il faut que le public le ressente. Et si on le ressent, c'est que on le ressent, oui. Voilà. Monter sur scène avec la banane et la communication. Et communiquer. Voilà, la pêche. À partir des fruits maintenant. En un seul mot. La pêche, la banane. Cette minute de thérapie vous était offerte par les Guts Clippers. Et le primeur. N'oubliez pas de caresser votre chat pendant ce temps. Oh là là, Jean-Louis va très loin. C'est plus du JCVD là, c'est pas où tu es là. Johnny Hallyday. Je lui dirai. On s'amuse bien ici. Alors on rigole bien, oui, c'est vrai. On n'est pas sérieux, c'est vrai. On devrait être un peu plus sérieux. Non, mais... Ah mais on n'est pas sur énergie donc on a le droit de rigoler. C'est ça. Bon, exactement. Mais c'est vrai que l'émission arrive à son terme, c'est la dernière de la saison, il reste 10 minutes, on passe un petit morceau des Guts. Ouais. Mais, oui. On leur a pas demandé un truc vachement important, enfin, surtout à William, puisque Fred et Thierry étaient déjà venus, ils avaient répondu à la question nous. Une question culte ici. J'ai craint le pire. Question culturelle, t'inquiète pas. Oui, voilà. Donc ça va pas voler plus haut ni plus bas. C'est dans la continuité de l'émission. Bah, ça va pas d'ailleurs. William, donc tous les groupes, connus, pas connus, qu'on interview, on pose une question. C'est la question fétiche qu'on pose avec Manu depuis qu'on fait la radio. C'est vachement important. Surtout quand t'es musicien. Ça fait 25 ans qu'on la pose à tout le monde. Non mais elle est super importante. Hein. Donc c'est est-ce que tu aimes le camembert. La question, oui. Alors j'ai envie de te dire, d'abord je voudrais remercier ta mère pour les œufs. Et j'ai envie de te répondre, la crème fouettée, tu la mets en dessous les bananes ou au-dessus? Au milieu. Voilà, c'est ça. Merci. Donc on ne sait pas si tu aimes le camembert ou pas. Ah si, j'aime bien le camembert. Bon, voilà. Mais c'est pas la question que tu m'as posée. Hein. Attends, tu peux repasser la bande. Joseph, William, écoute. Ouais, alors, la question. Il fait partie du club. Est-ce que j'aime le camembert? Oui, j'aime le camembert. Pourquoi t'en as un? Non, j'ai pas osé. Il est venu. Je voulais remercier tous les gens en Normandie qui nous écoutent. Je voulais remercier tous les camemberts de la terre. Bon, moi, je voulais être sérieux, juste 2 minutes. Ah non, pas que 2 minutes. Non, je veux pas être sérieux. Non, je rigole. Je voulais juste remercier et faire un petit coucou à Laurent des Cosdal pour... Ah oui, c'est vrai, tu as participé à l'entraînement. Oui, oui, enfin, je vais participer au troisième volet et je suis super, super fier de participer à ce projet. Alors Thierry, Laurent m'a dit que le flamant rose là, dans leur piscine, il avait crevé. Donc tu ne pourras pas en profiter. Non, j'ai vu les photos, mais j'ai vu qu'ils se sont bien éclatés ce week-end. C'était horrible. Hein. Une messe sera dite. En tout cas, un grand merci à Laurent et à toute l'équipe. Bon, merci. Voilà. Laurent Plachon qui reviendra donc à la rentrée pour la suite de leurs aventures Cosdal Division avec Chris, évidemment, qui sort un album avec le groupe Grazed, qui tourne en ce moment un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, je pensais à un truc et je l'ai zappé. Je sais plus. Bah, c'était vachement intéressant. C'était le mot de JCVD de la fin de l'émission. Oui. L'Alzheimer quand tu nous tiens. Oui, parce qu'en fait, tu as participé aux sessions du prochain album de Cosdal Division, on peut le dire. Oui. Et moi, il m'a privé un petit morceau aussi pour Parasite. Alors, je vais le relancer un petit peu là, parce que je lui ai demandé un générique. Il a du taf, temps, quoi. Il a du taf, Laurent, vraiment. Non, tu parles. Il est devant son ordinateur, il fait rien. Quoi. Mais pas du tout, c'est pas vrai. Mais si. Non, mais franchement, son projet est fabuleux, quoi. C'est de rappeler tous les vieux loulous déjà sur le premier volume. Moi, je me suis éclaté, quoi. Et en plus, tu te rappelles de tous ces gens-là. Parce qu'il y en a certains, bon, j'étais pas minot, mais j'étais jeune aussi, tu vois. Oui, t'avais des cheveux. T'avais des cheveux. Et j'avais des cheveux. Putain, mais ils sont la pas même cool. Idée, hein. On prend les trois. Hein. On prend Laurent, Thierry, Chris. Et Chris. Et j'oublie son prénom. On dirait les mêmes. Hein. Ouais. Ah oui, la même coupe. Bon, on sort un peu du même moule, en fait, hein, en définitive. Vince, hein. Voilà, Vince. Ça, c'est Vince, quand t'as les genoux sur la tête. Ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, merci, Laurent. Quand t'as des poils sur les genoux. Et Chris et toute l'équipe. Ok. On rigole évidemment. Bien sûr, ils reviendront donc à la rentrée pour nous parler de leurs nouveaux morceaux. Et franchement, Laurent m'a fait écouter plein de morceaux, plein de démos et il m'a scotché. Quoi. Il y a plein de trucs en attente là. Et après, ça marche avec les anciens, les différents chanteurs qu'il va contacter ou pas. Et ça va être énorme. Ouais, mais il y a encore plein de projets, Laurent. Bah oui, il est débordé là. Oui. Il est débordé. C'est cool. Mais vous aussi, vous allez être débordé dans pas longtemps avec tous les concerts qui arrivent. C'est exactement ça. Il y a intérêt. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Et comment on va finir l'émission? Bon, il reste un petit peu de temps. On sait qu'on n'a pas donné les contacts des Ghost Carpers. On peut vous contacter où pour avoir les albums, pour avoir la promo, les t-shirts? Parce que là, on nous contacte aussi hein, donc, pour la promo. Donc je peux donner le lien de la presse. Alors pour les Ghost Carpers. Le lien de presse, il est sur le site. Sur le site, en fait, sur le www.ghostcarpers.com, il y a un formulaire de contact. Ouais. Et il y a les adresses aussi pour le booking, donc pour les dates. Pour les dates de concert. Pour la presse, donc c'est le mail de notre attaché de presse, qui est Chris Souza, chez Do It. D'accord. Et voilà, donc on peut nous contacter là. Pour le disque, sur le site de Brenius Music. On peut l'acheter, sinon il est sur la Fnac, Cultura, etc. Évidemment, distribution partout en France. Exactement, depuis vendredi dernier. D'accord, ben, très bien. Et d'ailleurs, ceux qui ont participé, qui ont donné un peu d'argent pour faire la bon, déjà leur album d'ailleurs, vous les avez envoyés. Ben, j'ai vu ça sur... On en a envoyé certains, message. Oui. Pas tous encore, mais certains. Oui. Non, oui. D'accord, je vais pas demander à ma cousine si elle avait reçu. Je vais lui demander, tiens. Ouais. Elle nous écoute de toute façon ce soir. Allez, eh ben, encore un petit morceau. Oui. Les Guts, qu'est-ce qu'on a sur le coude? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, Ride, c'est le titre qui sert de promo à support à notre album. Donc, c'est ce titre que vous pourrez retrouver en clip, le fameux clip... Le teaser. Le fameux clip... La muse bande dessinée. La muse gueule. Il faut aller le voir sur donc YouTube. Exactement. Et c'est votre page à vous. Exactement. Où il y a tous les clips, sur les anciens. YouTube, on tape Guts Clippers Ride. Voilà, regardez, partagez, faites exploser les compteurs. Quoi. D'accord. On va se dire au revoir là-dessus, les gars. Ouais. Encore un grand plaisir. Écoute, merci. Ça passe trop vite, quoi. C'est infernal. Mais en tout cas, merci de l'accueil, comme d'habitude. Hein. Moi, je suis là pour ça. C'est génial. Et on te promet que la prochaine fois, on reviendra, mais à 5, quoi. Ah. Et on te foutra un gros bon son. À 5, ça, c'est clair. Avec les vrais musiciens. Mais sur les batteries, tiens pas, on casse les murs, de toute façon. Pas de problème. Ouais, tu vois, la cloison, il va falloir la pousser déjà. Celle-là, déjà, ensuite l'autre. Enfin bon, on va faire de la place. Ne vous inquiétez pas, vous êtes les bienvenus toujours. Et encore, on dirait que c'est encore mieux. Donc, tiens, bon, aujourd'hui, on se retrouve l'année prochaine aussi. Pas l'année prochaine, en septembre. La saison prochaine. La saison prochaine, oui, bien sûr. Ce sera plus frais. Et il est chaud, hein. Ah, il fait... en même temps, on est dans le sud. On boit plus, en plus, c'est chiant, quoi. Ça coûte plus cher. Allez, on se dit au revoir à tous. Bonne fin de soirée à tous. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt. Fly FM, Fly FM. Tous les dimanches soirs à 21h, c'est l'émission la plus métal de la bande FM. Au programme, vous retrouverez tous les artistes et les acteurs du hard rock, du thrash, du death et du black metal. De nombreuses nouveautés seront dans l'actualité chaque semaine, ainsi que les découvertes de nouveaux groupes. Les annonces de concerts ainsi que les interviews seront au programme. Alors n'oubliez pas, le dimanche soir sur Fly FM, Parasite, 21h-23h.